porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. Oh, c'était dimanche. Juste avant, c'était Chavela Vargas. Et juste maintenant, c'est Toni Braxton. Dimanche, c'était normal, le morceau, une cassette, cool, Raoul. Et là, Toni Braxton avec le morceau There is no me without you. Ou bien, plutôt, You're making me high. I'll always think of you inside of my private thoughts. I can't imagine you touching my private parts. And just the thought of you can't help but touch myself. That's why I want you so bad. And this one night I want you right there with you there beside me. All night doing it again. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. with all the girl he won't be. Tony Braxton, et maintenant c'est Björk. Cosmic cassette. I Miss You de Björk, paru sur l'album Post, qui a été réédité en cassette récemment par le label. One Little Indian. Voilà, trop la galère à choper, mais quand même réussi avec ma soeur. Dédicace d'ailleurs à cette grande fan de Björk. Ensuite, maintenant, c'est Jota Jere avec un extrait de la cassette Mareo que j'ai chopé sur internet grâce à Paco Moreno. Coucou à eux. Via son label Ediciones Popular. Jordi, ouais voilà, Jordi, vous savez. Moi je sais plus. Ediciones Popular. Et maintenant, on va écouter ma chanson préférée de la cassette La Redoute de Toile Froide. s'appelle Globe aux doigts roses. Il est sorti en septembre 2019, en attendant le disque qui est sorti d'ailleurs. Pas vraiment, je sais pas trop. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Pour moi, le mouvement, c'est primordial. Pour mes cheveux aussi, d'ailleurs. J'aime qu'ils soient pleins de vie, de couleurs. Alors, après ma permanente, mon coiffeur m'a fait un Diacolor de L'Oréal. Diacolor, c'est une nouvelle coloration ton sur ton, si douce qu'elle peut être faite le jour de la permanente. Le résultat est là. Mes cheveux n'ont jamais été aussi éclatants. Allez, Lucia, à nous deux maintenant. Vous aussi découvrez Diacolor de L'Oréal, la nouvelle coloration ton sur ton, méthode douce. Diacolor, chez votre coiffeur. Kawani Kassid. I'll be right back. Dana Dawson et Romantic World. Je connaissais pas. Juste après, c'est Led Zeppelin, un morceau que j'ai découvert parce que j'ai une cassette où il n'y a pas de pochette. Je connais pas le nom du morceau. Je connais même pas ce groupe. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette.

C'est Iz, le label. Iz.me. En 2009, ça vient du Caire. Ça m'a été ramené par ma sœur et mon beau-frère, Henri. Merci à eux, c'était trop sympa. Et là, on écoute Guillaume Moll de Brest. C'est un live de 2017 à la Villa Monaco. Je vous réponds à tout hasard, Ariane. J'ai gagné ? Oui, vous êtes vernis, mais plus pour longtemps, chère Christine. Question plus difficile. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? Je crois que je vais vous épater, Eric. Ah. Oui, le satellite géostationnaire est un satellite toujours positionné au même endroit par rapport à la Terre. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, les satellites Astra, bientôt 8, sont en orbite au-dessus de l'équateur et diffusent des images sur toute l'Europe. Et votre question, Eric ? Eh bien, Christine, nos auditeurs doivent vous trouver très très forte. Dernière question devrait vous intéresser. Savez-vous ce qu'est vraiment la télévision numérique ? Juste après Guilhem, on va écouter... qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter... Sirène, et pardon, je ne parle de mes rêves à personne. Космические кассеты. on écoute CC. Un extrait de la cassette Bruma Nieblas Neblinas, paru chez Zamzam Records en 2018 à peu près. Là c'est le morceau Niebla 2. C'est juste avant de nous quitter avec Sade et le morceau Why Can't We Live Together. Un beau morceau et une belle question à méditer avant de se retrouver un de ces quatre. J'espère qu'il fera aussi beau dehors, là où je n'ai pas encore mis le pied ni le nez. Thank you. cassette. Keep up the good work, men. Cassette tape, 최고!